Chapitre deuxième. Aux extrémités des branches luisaient des bourgeons à carapace verte comme les chars. Paris, Berlin, Moscou étaient contre. Certains avaient posé leur veto. Dans ce conflit, comme dans cette maison, les mots ne servaient plus à grand-chose. La nuit engloutissait Bagdad, Washington. Un soleil ensanglanté les réveillait toutes. La bourse chutait, l'Europe se fragmentait. Le mari, qui me rapportait la vie extérieure et bourdonnante, revenait le visage las et tiré. Rien ne fonctionnait plus dans l'économie, aucun chiffre, ce serait un mois vide et désert. Seul Paul semblait indifférent à cette lourde attente. Du haut de deux joues magnifiques, il tendait ses bras ronds et nus au printemps. Du haut de deux joues magnifiques, il tendait ses bras ronds et nus au printemps. Aux extrémités des branches luisaient des bourgeons à carapace verte comme les chars. Pour le mois de mars, la météo annonçait un beau fixe, un printemps splendide, mais du vent à Bagdad, un vent transportant le sable du désert. Il commença à faire très chaud. Même divisés, les continents se rapprochaient peu à peu du soleil. En silence. Quelque chose allait nous tomber dessus. Quelque part entre les branches noires de l'hiver, la mort nous fixait. Le printemps allait pouvoir commencer. Lorsque j'entendis ces sirènes à la radio, j'étais sous la douche. Nous étions jeudi, une demi-heure plus tard. Je devais être en ville à mon travail. J'avais allumé la radio pour me préparer. La buée envahit la cabine transparente de la douche. Un son aigu perfora le rideau gris qui m'encerclait. Le cri des sirènes tourbillonna au-dessus d'un corps nu et rose. Sous les ululements, je pliai la nuque. Sous la douche, le savon me parut à la fois immense et dérisoire. Sur la céramique, mes pieds dessinaient deux éventails japonais. Au travers de mes larmes, au travers de la buée, je vis brûler les branches noires du chêne. Alors j'allumai la télévision. Je voulais voir. Giclèrent sur l'écran les traces oranges des bombes sur le ciel noir. Désormais, la guerre se déployait sur toutes les chaînes avec ce R présent dans toutes les langues, Krieg, Guerra, ou englouti par les mâchoires américaines, War. Les Arabes la nomment Harb, avec un H soufflé de gorge, ce R guttural du fond du ventre. Dans toutes les bouches, cette râpe du R. Ce raclement d'homme vivant. Peu importaient les mots, c'étaient ces images qui me lacéraient, ces images qui passaient, repassaient, infernales, comme la boucle du chat. Trois jours plus tard, encore là devant la télévision, délaissant en radio et journaux, besoin de ces images, besoin de voir. Le poste se trouvait dans la cuisine et je voyais dès que j'occupais cette pièce, c'est-à-dire souvent. Cela me gênait, me faisait plaisir à la fois. Je ne savais plus faire que cela, voir Paul, ou la guerre. Pour excuser cette frénésie d'images, je ne m'asseyais jamais pour regarder la télé. Tantôt je préparais les repas de Paul en écoutant les commentaires. Tantôt je regardais ardemment l'écran dès qu'il me le permettait. Me parvenaient soit les mots, soit les images. Toujours dissociés. En silence, au-dessus de l'évier humide, des prises électriques, des couteaux pointus, la télé me délivrait ses images à absorber. La chaise haute de Paul formait un triangle avec la télévision et le panier en velours du chat. Contre l'étoffe, le chat dormait, en boucle blanche, au centre du cercle formé par sa queue et sa tête, et son ventre difforme, déporté vers le plafond, marquait une désapprobation silencieuse. Le journaliste de la BBC parlait de la difficulté pour les soldats anglais à s'accoutumer au climat de Bagdad. Il semblait fatigué, mais ses yeux brillaient d'excitation. Moi qui voulais en voir des images, eh bien j'en vis encore. Et des cadavres écrasés sur la route, et des tripes étalées, et des viscères en boucle sur le goudron. La mort n'est rien d'autre que le passage à l'horizontale. Moi, je voudrais n'être ni vertical ni horizontal. J'aimerais juste être oblique. Oblique, comme ce rayon de soleil sur le velours pourpre du panier du chat. À la télé, il y avait la guerre. Puis soudain, elle disparaissait. Durant la sieste de Paul, passaient des émissions étranges. Faut-il prendre des hormones? Comment réussir le canard à l'orange? l'impression d'être un chien à qui l'on jette un morceau de pain pour l'écarter. Alors c'est Paul que je regarde. Voir, je ne sais faire que cela. Paul, 9 mois. Son premier printemps. Des yeux, je suis l'arc énorme de sa joue rose que surmonte celui plus petit de la cornée, puis au-dessus, un cil noir incurvé en aile d'oiseau. Et ses joues, si tendues qu'elles en allument des reflets. Entre la mer et le ciel, les soldats avancent lentement, leurs costumes gris volent sur le sable comme des poissons perdus. Durant les préparatifs de la guerre, Paul, lui, a progressé. En silence. Paul et ses mains, elles lui appartiennent. Et surtout, elles commencent à lui obéir. À présent, elles acceptent d'aller plus ou moins haut ou en bas. Même si, au début, elles s'accrochent entre elles, doigts convulsivement mêlés. Un peu folle, elle se cramponne à tout. Ainsi attrape-t-elle ses oreilles qu'elle tente de lui arracher, même s'il n'est pas d'accord. Elle détache les boutons des salopettes, ôte ses chaussettes. J'occupe mon temps à le rhabiller. « Il a des yeux, cet enfant, » dit-on de Paul. D'un bleu éclatant, certes, sans que je parvienne réellement à définir ce qui différencie l'œil de Paul de celui d'un adulte. Grâce à ses heures d'observation, j'ai compris finalement le « il a des yeux, cet enfant ». C'est la brillance, le renvoi de la lumière. Occupant déjà sa taille adulte, l'œil de Paul est immense. Apparaissent deux anneaux bleus très nets, l'un contre l'axe noir de la pupille, l'autre contre le blanc de l'œil. Entre ces deux cercles, les rayons de l'iris accrochent la lumière de façon différente, y créant une sorte de fluide bleuté remplaçant les mots. La sclérotique, ce blanc de l'œil presque bleu, capte toute source lumineuse, la projetant dans la pupille. De près, la tache lumineuse se trouve être la croisée d'une fenêtre ou la masse dodue d'un cumulus. Miroir rond, les cornées neuves de Paul reflètent le printemps tel une caméra. Du ciel cru, nu, soufflait soudain un vent bleu. Il fit claquer la chaise longue blanche rayée de bleu comme les voiles d'un bateau. Sans commentaire, je devinais le vent du côté de la guerre. Des tourbillons de fumée bleue penchèrent à droite. Au travers des volutes allaient et venaient des silhouettes noires, des silhouettes paniquées. Et moi, les yeux injectés d'images, injectés de sang, je regarde Paul décoiffé par le vent, fermant les yeux sur l'herbe. À 9 mois, il se contente de maintenir l'équilibre d'une tête vissée dans un torse aussi gros qu'elle, maintenu par l'angle obtus de jambes écartées. La stabilité de ce dangereux édifice, tête, torse, bras, l'occupe au plus haut point. Paul envoie ses mains au hasard, fait tomber la bretelle de la salopette. En la rajustant sur sa minuscule épaule droite, bombée comme un pétale, je songe à toutes ces mains crasseuses là-bas, qui rajustaient des courroies sur des épaules, tous ces fusils qui rampaient sur le sable. À présent, Paul désire se mouvoir afin de tenter d'attraper ce qui l'entoure. Cela le met hors de lui d'être assis, de voir autant de choses sans pouvoir y accéder. Mère, et donc chargé de répondre à tous ses désirs princiers, je le soulève pour le poser devant ce qu'il convoite. Ainsi, les croquettes du chat le fascinent. Il hurle pour que je le place à côté de l'écuelle. Lorsque Paul manifeste sa volonté de changer d'endroit, une pointe de verre apparaît dans le bleu de ses yeux. Sans cri, sans pleurs, sans phrase, je sais deviner son désir aux variations de couleur de son iris. Il le change aussitôt de place. Oui, j'accours à un anneau bleu repoussé par la dilatation d'une pupille, à un iris verdi par la colère. Je me précipite sans mot formé avant le geste. Paul, bleu verdi, surgit dans ma tête et je vois mes genoux se plier, mes bras se tendre vers lui. J'ignore pourquoi, mais j'accours. Un explosif lui aurait arraché un bras rond, un char l'aurait broyé, que je serais arrivé aussi vite. Pas assez de mots pour décrire cette sirène qui retentit. Cette force qui me jette sur lui, qui me dépasse, pire que l'explosion des bombes.